Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 95e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Comme je vous l'ai annoncé dans le cours précédent, et avant de nous intéresser aux deux dernières répliques de Khaled et Mohamed, nous allons revenir aujourd'hui sur les notions de nombre et de quantité qui sont présentes dans ce dialogue. Pour illustrer cette question, nous allons prendre pour exemple un mot qui est mentionné à plusieurs reprises dans ce dialogue, mais qui se présente sous trois formes différentes. Il s'agit du nom Rak'a, qui signifie « unité de prière » et qui correspond à la série d'actions que les musulmans accomplissent de manière répétitive dans la prière rituelle, comme le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner, de s'asseoir et de réciter des invocations ou des versets du Coran. Le nom Rak'a correspond à sa forme du singulier qui est présente dans les questions de Khalid lorsqu'il interroge Mohammed sur le nombre des unités de prière dont sont constituées les prières des musulmans. كم ركعة صلاة الصبح؟ Combien y a-t-il d'unités dans la prière de l'aube؟ وكم ركعة صلاة الظهر؟ Et combien y a-t-il d'unités dans la prière de midi؟ En effet, comme nous l'avons observé précédemment, lorsqu'un nom est placé après le pronom interrogatif كم, qui signifie combien, il doit être indiqué sous sa forme du singulier, indéfini, et décliné au cas direct. Dans les réponses de Mohammed, on retrouve ensuite ce nom Rak'a sous une autre forme lorsqu'il indique le nombre d'unités de la prière de l'aube. Rak'atan, ce qui signifie dans le contexte du dialogue, il y a deux unités de prière. Il existe en effet en arabe littéraire une notion de quantité appelée al-muthanna qu'on utilise pour se référer à seulement deux unités et qui se situe donc entre le singulier, al-mufrad, et le pluriel, al-jam'a, qu'on utilise pour se référer à plus de deux unités. Pour former le duel, il suffit d'ajouter les lettres alif et nun à la terminaison du nom. Rak'a, une unité de prière. Rak'atan, deux unités de prière. Ghurfa, une pièce. Ghurfatan, deux pièces. Masjid, une mosquée. Masjidan, deux mosquées. Yaoum, un jour. Yaouman, deux jours. Remarquez ici qu'en arabe littéraire, on n'a pas besoin d'indiquer les nombres 1 et 2 pour dénombrer ces quantités, puisque leur forme suffit à les déterminer. Enfin, on retrouve dans ce dialogue le nom Rak'a sous une troisième forme, lorsque Mohammed indique le nombre d'unités des quatre autres prières de la journée. Arba'u raka'atin fi dhuhri. وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْعَسْرِ أَيْضًا. Quatre unités à la prière du midi et quatre unités à la prière de l'après-midi. الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ. La prière du coucher de soleil est composée de trois unités et celle du début de la nuit de quatre unités. Il existe en arabe littéraire plusieurs manières de former le pluriel d'un nom, que nous étudierons ultérieurement dans cette série de mini-cours, Inch'Allah. Dans le cas du nom Rak'a, qui est de genre féminin, son pluriel prend la forme d'un pluriel régulier féminin qui se construit en remplaçant la lettre Ta Marbouta de sa terminaison par les lettres Alif et Ta. Rak'a, une unité de prière. Rak'a'at, des unités de prière. Kulliya, une faculté. Kulliyat, des facultés. Muslima, une musulmane. Muslimat, des musulmanes. Taliba, une étudiante. Talibat, des étudiantes. Dans le cas de la formation du pluriel du nom Rak'a, vous remarquerez que le signe sukun associé à la lettre kaf de sa forme du singulier est remplacé par la voyelle fatha dans sa forme du pluriel pour des raisons que nous détaillerons à une autre occasion, inshallah. Cette forme du pluriel s'utilise notamment lorsqu'on souhaite indiquer que la quantité est située entre 3 et 10. Dans cette situation, le nombre qui indique la quantité est annexé au nom dénombré, qui est indiqué sous sa forme du pluriel, et le nombre s'accorde avec le genre opposé du nom qu'il dénombre. Thalathu raka'at, 3 unités de prière. Arba'u raka'at, 4 unités de prière. Khamsu talibat, 5 étudiantes. Sittu talibat, 6 étudiantes. Terminons maintenant l'étude de ce dialogue en nous intéressant aux deux dernières répliques de Khaled et Mohammed. Barakallahu fik. Wa fik. Ici, Khaled remercie Mohammed pour ses explications et lui adresse une invocation que nous avons déjà étudiée dans le cours numéro 83. Barakallahu fik, ce qui signifie « qu'Allah te bénisse ». Mohammed lui répond ensuite par la même invocation qu'il simplifie en ne répétant pas le verbe « baraka » qui est ici sous-entendu. « Wafik » signifie donc en réalité « wafika barakallah » c'est-à-dire « et toi aussi qu'Allah te bénisse ». Le sens de l'invocation raccourcie sous la forme « wafik » signifie donc en français « et toi aussi ». Barakallahu fik. Qu'Allah te bénisse. Wafik. Et toi aussi. Voilà pour aujourd'hui. Ce 95e mini-cours d'arabe ainsi que l'étude du dialogue entre Khaled et Mohammed sont maintenant terminés. En raison de la fête de l'Aïd, il n'y aura pas de cours ce vendredi et on se retrouve donc mardi prochain, Inch'Allah, pour le récapitulatif du vocabulaire nouveau contenu dans ce dialogue ainsi que le résumé des règles de grammaire que nous avons étudiées. Je vous enverrai aussi très prochainement sa traduction en français, ainsi que sa version non vocalisée, pour vous entraîner à lire sans les voyelles. Wassalamu alaikum.